Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 9 février 1874. Exactement, le jour de la mort d'un grand homme, celui qui a su apprivoiser l'histoire, vulgariser cette matière parfois complexe pour la faire aimer de générations entières, un peu mon maître d'une certaine manière. Il s'agit de l'historien Jules Michelet. Alors dites-nous tout, quelle était sa particularité ? Ah, il savait raconter, surtout il n'avait pas peur de raconter. Plutôt que d'infliger au public une histoire aride ou froide, il a su restituer ses connaissances historiques, mais alors avec un style, un enthousiasme extraordinaire qui était tout à fait nouveau à l'époque. Au passage, ça ne lui a pas valu que des amis chez les historiens notamment. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup qui nourrissent un certain mépris à l'encontre de Michelet. Ah, c'est Michelet, dit-on. Vous savez. Son crime, avoir fait passer la passion avant tout. C'est-à-dire au détriment de l'exactitude des faits. Disons qu'il s'arrange de temps en temps un peu avec les faits, il faut bien le dire. On ne peut pas prendre les écrits de Michelet pour argent comptant, ça c'est certain. Il n'était pas le maître de la rigueur historique. Mais ce n'est pas en cela qu'il a marqué son temps. Il est indispensable aujourd'hui parce que, comme Alexandre Dumas par exemple, il sait vous faire visiter l'histoire, vous en donner un aperçu, vous en faire tâter l'ambiance comme dans sa monumentale Histoire de France ou sa superbe Histoire de la Révolution. Si vous voulez que vos enfants aiment l'histoire, faites-leur lire quelques pages de Michelet comme ça de temps en temps. Il meurt ce 9 février 1874 à Hyères. Il meurt d'une crise cardiaque. Il a d'abord été enterré à Hyères, c'était sa volonté, mais un si grand homme ne pouvait pas échapper à des funérailles officielles et maintenant il est au Père Lachaise, représenté sous forme de gisant avec cette inscription « L'histoire est une résurrection », on ne saurait mieux dire. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission avec Hélène Carrère-Dancausse consacrée au lien particulier du général de Gaulle avec la Russie.